Je m'appelle Birdie Doc. Et lorsque je repense à ma deuxième rencontre avec Max Weber, il m'arrive de sourire. Avec le recul, le sentiment qui m'habitait ressemblait étrangement à celui de Neo dans Matrix, juste avant que Morpheus ne lui révèle que le monde n'était pas exactement le monde. À cette époque, je sortais des usines théoriques de Marx comme on sort d'un long tunnel, couvert de suie, certain d'avoir compris la mécanique sociale, persuadé que la structure binaire des bourgeois et des prolétaires expliquait tout. Je me rendais donc chez Weber avec ses certitudes encore chaudes, presque collées à la peau, mues simplement par le désir de confronter mes croyances aux intellectuels de mon temps. Et puis je suis entré dans son bureau. Un bureau silencieux, poussiéreux, qui sentait le café refroidi et la plume qui a trop servi. Weber n'a pas levé la voix, il n'en avait jamais besoin. Il parlait avec une lenteur méthodique, une sorte de précision horlogère qui vous décale la réalité d'un millimètre, puis d'un autre encore. Et soudain, j'ai éprouvé ce trouble particulier, cette appréhension que l'on ressent lorsque l'on pressent que ce que l'on croit savoir pourrait basculer. C'est seulement plus tard que j'ai compris. J'avais eu, moi aussi, mon petit moment pilule rouge. Weber n'était pas Morpheus, bien sûr, mais il avait ce talent discret, celui d'ouvrir une porte que l'on ne savait pas encore vouloir franchir. Weber n'était pas Marx, et encore moins marxiste. Ah, il faut dire que son monde n'est plus celui des révolutions industrielles du XIXe siècle. On est au début du XXe, les forges font moins de bruit et les bureaux beaucoup plus. Les ouvriers côtoient les secrétaires, les chefs d'atelier, les ingénieurs, les fonctionnaires. La société s'est fragmentée, non pas en deux classes, mais en une multitude d'étages économiques. Weber me dit en traçant un schéma sur son carnet « Birdie, imaginez, pour commencer, un immeuble. En bas, ceux qui vendent leur travail pour un salaire de misère, un peu comme chez Marx, si vous voulez. Mais au-dessus d'eux, il y a ceux qui les encadrent. Et plus haut, ceux qui encadrent ceux qui encadrent. Et plus haut encore, ceux qui les dirigent. Et tout en haut, ceux dont l'argent travaille à leur place, 5 niveaux. » Cinq niveaux dans cet exemple, Birdie, parce que le monde économique réel est encore plus stratifié. Mais voilà l'ordre économique moderne, une architecture de position. Je pensais aussitôt à Benoît Delaunay, un industriel lyonnais au prénom de Pape que j'avais connu dans les années 1900. Fils d'un mécanicien, il avait bâti son usine de pièces automobiles et possédait désormais des capitaux et employait des salariés. Un homme au sommet de la pyramide économique. Weber m'avait soufflé. Lui, Birdie, appartient à la classe qui détient les moyens de production. Ses chances économiques sont élevées. Il possède, il investit, il commande, il gagne beaucoup. Plus bas, dans l'immeuble social, il y avait Norbert Marais, ajusteur dans l'usine. Un ouvrier qualifié, fier de son savoir-faire. Il gagnait bien sa vie. Il gagnait mieux que les manœuvres, pas autant que les ingénieurs. Son savoir déterminait sa valeur. Ce savoir, en des termes récents, était son capital humain. Weber avait noté, d'un ton neutre, « Celui-là ne possède rien, sinon sa compétence. Mais elle lui donne un pouvoir, celui de rester utile. Il est dépendant, mais non substituable. Il a plus de chances économiques qu'un ouvrier non qualifié. » Et puis, il y avait Véronica Deschamps, dactylographe à Paris. Robe repassée, posture droite, main rapide sur les touches. Pas de suie, pas de bruit d'usine. Un salaire modeste, mais une stabilité précieuse. Elle appartenait à ce nouveau monde du tertiaire, ni pauvre, ni riche, ni dominée comme pouvaient l'être certaines ouvrières des industries textiles, ni dominante comme pouvaient l'être, peu de femmes à la réflexion à cette époque dans ce monde économique. Weber m'avait dit en observant son portrait « Voilà la modernité, Birdie. Un emploi salarié, une petite sécurité, et la promesse d'une ascension. » Et enfin, Isabelle Naudin. Modiste à Lille. Deux apprentis, quelques clientes bourgeoises, un atelier propre. Indépendante, certes, mais fragile. Un hiver sans commande et tout s'écroule. Weber nota sur un coin de son carnet. Celle-ci vit entre deux mondes, petite propriétaire sans capital, libre sans garantie. Elle n'est ni bourgeoise, ni prolétaire. Chez Marx, la société était une forteresse à deux tours ennemies. Chez Weber, c'est un immeuble à plusieurs étages où l'on monte, où l'on descend, où l'on espère. Birdie, me lança Weber, l'économie ne crée pas seulement des riches et des pauvres, Elle crée des positions, des chances, des destins probables. Les hommes se déplacent, mais rarement sans effort. Et moi, dans mon carnet de cuir, j'écrivis « Les classes selon Weber, des positions, non des camps. Le monde n'est plus un champ de bataille, mais un échiquier de vie. » Il avait développé un concept, d'ailleurs, dit « Lebenschancen, les chances de vie ». Dans la sphère économique, elle correspondait aux probabilités d'obtenir des revenus, un emploi, un patrimoine, et Weber classait les individus dans la structure sociale en fonction de ses chances. Avant de partir, Weber posa sa main sur son carnet et conclut. « Souviens-toi, Birdie, ce que les hommes appellent destin n'est souvent qu'une probabilité sociale. » Et dans la pénombre de son bureau, je crus entendre le tic-tac du monde moderne, régulier, rationnel, et pourtant si inégal dans ses battements. En refermant mon carnet, un scrupule me chatouilla l'esprit comme une poussière oubliée dans un engrenage. Cet immeuble à 5 étages que Weber m'avait dessiné, c'était clair, propre, rangé. Trop rangé, peut-être, car à bien y réfléchir, l'édifice se révèle plein d'annexes, de mezzanines, de sous-pentes sociales auxquelles je n'avais pas prêté attention. Des escaliers dérobés où l'on monte sans argent, des couloirs où l'on redescend malgré la fortune, et des pièces dont la clé n'est ni un revenu, ni un patrimoine, seulement un regard, une réputation, un éclat de considération. Les chances de vie ne se limitent pas à la paye du samedi. Elles se ramifient, se compliquent, se glissent dans des dimensions où l'or paie moins lourd que l'honneur. Et c'est alors que je compris. L'immeuble économique n'était que l'aile gauche d'un palais bien plus vaste, un palais où se dresse un autre bâtiment, moins visible, plus capricieux. L'immeuble social du prestige.